un Britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Hier spricht Landrat Pista. Je m'adresse au maire des communes afin qu'ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour régler le problème des réfugiés. Veillez à ce qu'ils soient bien logés. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, wir schaffen das, nous allions y arriver. Cette exclamation réitérée de la chancelière allemande Angela Merkel, refusant une limitation chiffrée des réfugiés venus de Syrie et d'ailleurs, a frappé les opinions à travers toute l'Europe. Elle est en passe de trouver sa place parmi les mots historiques qui viennent en telle ou telle occurrence inscrire dans la mémoire collective très durablement une conviction, une détermination, une politique. Nous y arriverons. L'efficacité du propos se nourrit d'une surprise en dehors de l'Allemagne, avec un mélange d'admiration, d'inquiétude et d'effroi. Tant le contraste est apparu violent avec les comportements prudents ou frileux de la plupart des autres nations de l'Union européenne. Voilà bien qui incite à rechercher ce que peuvent être les racines historiques d'une pareille originalité. Il s'agit de considérer, dans le passé lointain, les spécificités d'une terre qui est vouée par la géographie à se trouver plus aisément que d'autres, parcourue par de vastes mouvements de population. Il s'agit aussi de scruter, parmi les brutalités du XXe siècle, les conséquences des deux guerres mondiales qui ont fait de ces errances collectives à la fois des enjeux, des chances et parfois des ressorts de prospérité. Mon invité ce matin est Sandrine Cotte. Professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Genève, elle s'est imposée comme l'une des spécialistes les plus avertis de la société allemande depuis 200 ans. Elle s'est beaucoup interrogée dans ses travaux sur les forces qui ont travaillé celle-ci en profondeur, dans la longue durée, forces de cohésion et forces de dissociation, et qui en définissent au présent les couleurs, les anxiétés et les énergies. Pour parler de l'Allemagne et de l'accueil des réfugiés, voici donc Sandrine Cotte devant moi. Pour écouter d'abord Angela Merkel. Natürlich war der Ansatz zu sagen, jetzt machen wir hier mal Multikulti und leben so nebeneinander her und freuen uns übereinander. Dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut gescheitert. Es geht nicht an, dass doppelt so viele von Ihnen keinen Schulabschluss machen. Es geht nicht an, dass wir heute doppelt so viele keinen Berufsabschluss haben. Das macht uns die sozialen Probleme der Zukunft. Und deshalb ist Integration so wichtig. Und deshalb heißt es vor allen Dingen, dass diejenigen, die teilhaben wollen an unserer Gesellschaft, nicht nur unsere Gesetze einhalten müssen, nicht nur sich zum Grundgesetz bekennen müssen, sondern sie müssen vor allen Dingen auch unsere Sprache lernen. Sandrine Cotte, bonjour. Bonjour. C'était un extrait d'un discours d'Angela Merkel sur l'intégration des immigrés et sur l'échec de ce qu'elle appelle le multikulti, vous allez nous expliquer, en Allemagne, un discours d'octobre 2006. Comme je suppose qu'il est parmi nos auditeurs et nos auditrices quelques-uns ou quelques-unes qui ne comprennent pas directement l'allemand, peut-être pouvez-vous nous dire ce que nous venons d'entendre. Ce que propose Angela Merkel, c'est en fait une manière d'intégrer les immigrés qui n'est pas du tout étrangère à la culture française, puisqu'il s'agit de les intégrer essentiellement par l'école. Ce qu'elle rejette, ou plutôt ce dont elle dit que ça a échoué, c'est le modèle multiculturel de coexistence, de communauté les unes à côté des autres. On dit multiculti en allemand, c'est ça ? Multiculti, oui, c'est multiculturel. Oui. Rejetant ce modèle multiculturel, elle prône une intégration essentiellement donc par l'école, aussi par l'intégration dans la sphère du travail, l'apprentissage du métier. Il faut signaler tout de suite que ça n'est pas quelque chose de nouveau. En réalité, depuis les grandes vagues d'immigration sur les territoires allemands de populations en provenance du sud de l'Europe et de la Turquie et du Maroc depuis les années 1950-1960, c'est la politique générale qui a été menée, c'est-à-dire une politique d'intégration par l'école avec des moyens importants d'ailleurs qui ont été mis à disposition pour cette intégration. Ce propos, je le rappelle, est de 2006, c'est-à-dire oui. Il est vieux déjà d'une décennie oui. Et pourtant on y trouve... C'est votre avis peut-être, l'annonce de ce qui sera la surprise de la générosité de la chancelière tout récemment ? Je ne sais pas si on peut le voir comme une forme de générosité, mais en tout cas c'est une politique effectivement tout à fait déterminée et extraordinairement planifiée et organisée d'intégration, de répartition des entrants sur le territoire allemand, mis à disposition dans les différents Länder, dans les différentes villes, effectivement une organisation de l'accueil de ces... ce qui étaient ces migrants et maintenant ces réfugiés, hein, les Flüchtlinge, qui est... assez remarquable. Vous excluez l'idée de générosité, vous excluez ce qu'on a lu souvent sur une composante morale de la chancelière venant de la RDA, venant de l'Est. Je ne veux pas sonder les reins et le cœur de la chancelière, ça me semble un petit peu compliqué. En revanche, mon expérience dans mes voyages en Allemagne, c'est surtout Berlin et la partie occidentale, mais même aussi à Leipzig, c'est effectivement une forme de mouvement de générosité qui n'est pas du tout négligeable, qui vous est voyez, même vous admirable voyez, vous parlez de générosité. De la population allemande. Je ne sais pas, en ce qui concerne la chancelière, je ne peux pas me prononcer. Mais pour ce qui est de la population allemande et pour mes amis, les gens que je connaisse, ils sont tous plus ou moins en charge de cette question des réfugiés. Ils ne sont pas indifférents à cette question. Certains prennent en charge des enfants, certains d'autres donnent gratuitement des cours d'allemand aux réfugiés, donc toujours cette phénomène d'intégration. Toutes les personnes que je connaisse qui sont des gens des milieux universitaires souvent ou d'autres, aucun n'est indifférent à cette question. Et donc c'est une différence importante, notable en tout cas, avec ce que je connais en France. Donc nous avons là la démonstration qu'en revenant en arrière, dans la longue durée, c'est notre vocation ici, nous allons voir se mêler, comme si souvent, des motivations qui sont des motivations religieuses, psychologiques, morales, à des réalités démographiques et économiques puissantes. Absolument. Des réalités démographiques et économiques qu'il ne faut pas négliger. Et militaires, bien sûr. Et qui sont importantes déjà pour le premier accueil important de population qui est l'accueil des Huguenots, hein, puisque l'accueil des Huguenots fait suite à la guerre de 30 ans. Donc c'est évidemment pas du tout un hasard qu'à ce moment-là, il y ait eu cet accueil aussi généreux en apparence de ces populations. Les Huguenots vont apparaître, bien sûr, dans notre émission, mais auparavant, quitte à sembler un peu vertigineux, je vous emmène plus loin en arrière, parce que le temps des chevaliers teutoniques, 13e, 14e siècle, n'est pas tout à fait indifférent dans cette dialectique des relations entre l'Ouest et l'Est. Oui, c'est évidemment une remarque extrêmement importante, puisqu'on a un pays qui est au centre, en fait, des terres de circulation. Donc, ne l'oublions pas, les Allemands sont d'abord des émigrants, avant d'être des immigrants, ou en tout cas ceux qui vivaient sur le territoire de ce qui est maintenant l'Allemagne, sont d'abord des émigrants. Alors, des émigrants... Dès le Moyen-Âge, il y a une immigration vers l'Est qui ne doit pas du tout être interprétée comme ça l'a été fait ensuite au XIXe siècle dans le discours nationaliste qui dominait à l'époque comme une colonisation qui répond à l'appel des princes locaux, en particulier pour ce qui est des chevaliers teutoniques ou même des artisans allemands ou des paysans allemands qui s'installent, enfin allemands. C'est toujours problématique de dire allemand parce qu'ils ne sont pas allemands à l'époque. Hein. Ils parlent la langue allemande, mais bien sûr, l'Allemagne n'existe pas. Ce sont les princes polonais qui les appellent. Oui, ce sont les princes polonais qui les appellent pour chasser les derniers païens. Les chevaliers teutoniques, c'est quand même un ordre religieux. Et puis ensuite, avec eux, derrière eux, en même temps qu'eux, même un petit peu avant, des artisans, des paysans en provenance du territoire de l'Allemagne qui viennent s'installer pour mettre en valeur en fait ces territoires sur lesquels il y a une population extrêmement faible. Alors, c'est vrai pour le territoire de l'actuelle Pologne, c'est vrai aussi pour le territoire de l'actuelle Roumanie, c'est vrai pour l'ensemble de l'Europe centrale où on a là, en fait, un afflux de populations en provenance de ce qui est maintenant le territoire de l'Allemagne vers l'Est. Ces populations sont importantes parce qu'ensuite, on va voir qu'elles vont revenir ou être expulsées ou aller retourner vers l'Ouest sur le territoire de ce qui est l'Allemagne-nation. Hein. Sur la longue durée, ce va-et-vient, cette pulsation Est-Ouest-Ouest-Est est au cœur vraiment de la question que nous étudions ce matin, les réfugiés en Allemagne. Voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça donne une sorte de savoir-faire aux Allemands sur la question de ces migrations. Disons, c'est quelque chose qui fait absolument et consubstantiellement partie de leur histoire, plus que ça n'est le cas, par exemple, pour la France. Puisque vous parlez de la France et que vous avez parlé des Huguenots, il faut en venir évidemment aux conséquences de la révocation de l'édit de Nantes, ce méfait ou ce crime de Louis XIV, comme on voudra. Il n'est pas mal de le rappeler au moment où certains veulent célébrer l'anniversaire de sa mort, 1715. La décision de révoquer l'édit de Nantes a abouti en effet à un exil de protestants. Je vais vous faire entendre, pour ouvrir ce moment de notre conversation, je vais vous faire entendre, Sandrine Cotte, cette interview d'un descendant de Huguenots dans l'émission « Mode d'emploi de l'Europe » sur France Inter. Le 20 avril 1964. Il y a beaucoup des Allemands qui ont des noms français. Il y a beaucoup des Allemands qui sont d'origine française. N'oubliez pas, grâce à Madame Maintenon et Louis XIV, il y a au moins 300 000 Français qui sont chassés de la France et qui se sont retirés dans les autres pays du monde, surtout de l'Europe. Et si vous voyez les listes des grands savants allemands, si vous voyez la liste des officiers de l'armée prussienne, vous serez bien étonné de trouver pas mal des Français. Vous pouvez aller à New York, vous pouvez aller à Leiden, vous pouvez aller partout dans le monde, vous trouverez aussi toujours des gens de cette groupe qui ont quitté la France à cette période, mais qui ont toujours un certain amour, un certain attachement à ce patrie, la France. Je viens justement de Leiden, c'est-à-dire de Hollande, et j'ai vu par exemple les fiches de la bibliothèque Wallonne à Leiden. Là, j'ai trouvé de ma famille à peu près une dizaine qui sont tous du même lieu, et j'ai le plaisir de connaître l'histoire du patelin d'où ma famille vient, et l'histoire de cette petite ville au sud de la France. C'est une ville qui a fait une bataille pour leur façon de penser plus que 200 ans. Après 200 ans, quelques-uns de ma famille se sont décidés de quitter la France, c'est-à-dire ils étaient chassés. Mais il y a quand même toujours un attachement à la France. Il y a pas mal des membres de ma famille qui parlent encore le pauvre français que vous écoutez. Et il y a d'autres qui y vont chaque année à Paris ou chaque année en France. Moi-même, je retourne de temps en temps et si possible chaque année dans cette petite patelin où mes ancêtres ont cultivé le vin, où ils ont planté le tabac, et je suis bien fier qu'un des premiers planteurs du tabac dans le sud de la France, c'est un de mes ancêtres. J'étais très triste d'écouter que cette propriété, cette ferme qui autrefois appartenait au baron de Mozac, il était fermier chez lui, s'était vendue. Si j'aurais les 100 000 marks pour l'acheter, je l'aurais acheté tout de suite pour avoir encore cette ancienne terre où mes ancêtres ont labouré. Nous saluerons Sandrine Cotte, nous saluerons la coquetterie de celui qui est interviewé, parlant de son pauvre français. Beaucoup d'étrangers aimeraient parler ce pauvre français. Vous avez noté aussi l'allusion à Madame de Maintenon, dont on dit, je crois que c'est historique, qu'elle a beaucoup contribué à la décision funeste de Louis XIV. Combien de Français ont-ils, Huguenots, ont-ils quitté notre pays à ce moment-là? On en a une idée chiffrée. Combien sont-ils allés en Allemagne, en Prusse, enfin la future Allemagne? Ah, les chiffres sont extrêmement difficiles à établir. Les historiens se déchirent sur ces chiffres. On a des fourchettes qui varient de quelques milliers à 800 000. Hein. Donc, c'est vraiment en tout pour les Huguenots qui ont quitté la France. J'ai lu 200 000. Oui. Peut-être. Alors bon, après, on peut évidemment établir... ça dépend un petit peu sur quelle source on fonde, en fait, l'établissement de ces chiffres. En tout cas, pour ce qui est le territoire du Saint-Empire à l'époque, on pense autour de entre 40 et 50 000 qui seraient arrivés sur le territoire du Saint-Empire. À Berlin, autour de 6 000 à peu près, qui se seraient installés à Berlin. Mais la présence française à Berlin, à mon avis, dépasse très largement les 6 000. Parce qu'il y a quand même, dans ce qui est maintenant Mitte, le centre de Berlin, qui évidemment a été totalement, a repris une place importante pour Berlin depuis la chute du mur, puisque auparavant c'était le quartier qui était au contraire coupé en deux par le mur. Eh bien, il y a quand même une Franzische Straße, une rue des Français. Il y a une Franzische Kirche, une église des Français qui est en plein centre de Berlin. Et Franzische Platz, une place des Français, donc au centre de Berlin, sur laquelle d'ailleurs se trouve l'ambassade de France. Donc je trouve que la présence française, symboliquement, est très forte, je trouve, à Berlin. Ce sont des chiffres qui paraissent dérisoires par rapport aux défis d'aujourd'hui. Et néanmoins, cela a été important. Beaucoup d'hommes de qualité formés ont quitté notre pays. Comment ont-ils été accueillis en Prusse à ce moment-là? Et qu'est-ce que ça peut nous apprendre, cet accueil, par rapport à aujourd'hui? Frédéric Guillaume, donc, qui était électeur du Brandebourg, a accueilli à bras ouverts les Huguenots, mais il y avait un intérêt économique certain, dans la mesure où les territoires du Brandebourg avaient été vraiment dévastés par la guerre de 30 ans. Donc il a offert très généreusement aux Huguenots français d'abord de prendre en charge une partie de leur voyage, de leur donner immédiatement la possibilité d'exercer les professions qui étaient les leurs. Et c'était souvent des populations tout à la fois cultivées et disposant de savoir-faire artisanaux qui ont été valorisées tout de suite. Et puis il leur a même donné la possibilité, chose absolument extraordinaire, de s'installer dans les maisons qui avaient été dévastées justement par les armées en campagne, dans lesquelles il n'y avait plus d'habitants. Donc en gros, de valoriser les territoires qui avaient été dévastés. Il y avait l'intérêt national, enfin l'intérêt de la Prusse tout de suite? Du Brandebourg, oui, bien sûr. Il y avait donc un intérêt économique certain. Mais en même temps, il y avait bien sûr aussi une solidarité religieuse qui existait et qui n'était pas négligeable. Néanmoins, cette solidarité religieuse, elle a été particulièrement marquée dans le cas de Berlin, du Brandebourg et de ces territoires du Saint-Empire romain germanique qui avaient été dévastés, beaucoup moins marqués, par exemple, en Hollande, où l'immigration a été plus compliquée parce que, précisément, on avait beaucoup moins besoin de cette main-d'œuvre qualifiée. Donc, c'était des intérêts bien compris également. Mais c'est tout à fait normal. Mais il y a eu aussi des mesures moins favorables, peut-être. On leur a interdit de se marier entre eux à certains moments. On avait le désir... très vite de ce qu'on appellerait aujourd'hui une intégration. Oui, il y avait aussi, un petit peu comme on a entendu avec Angela Merkel, le désir d'intégration. Il faut quand même s'imaginer ce que sont ces chiffres. Il y a à peu près 6000 Huguenots à Berlin en 1700 à peu près, c'est-à-dire à peu près un quart à l'époque de la population de Berlin. C'est donc une part importante de la population. Alors, comme Berlin va croître très très rapidement, ensuite ils constitueront une petite minorité, mais on peut comprendre, étant donné cette situation, qu'effectivement il y a eu une politique d'encouragement à l'intégration rapide de ces populations. Il n'empêche que les non-français perdurent en Allemagne. Au moment des deux guerres mondiales, les Français ont vu souvent en face d'eux des officiers supérieurs ou généraux qui portaient des noms français. Oui, bien sûr, Lothar de Mézières. Alors Mézières, c'est l'un des derniers, peut-être le premier ministre de la RDA que vous connaissez si bien. On ne dit pas chancelier pour la RDA. Non, on ne dit pas chancelier. Donc, oui, absolument, Lothar de Mézières, Fontaine, etc. Donc, il y a tout un tas d'hommes politiques allemands qui portent des noms français, dont ils sont d'ailleurs généralement assez fiers. Alors avançons dans le temps, si vous voulez bien, et portons-nous au 19e siècle. Il y a un personnage que vous connaissez bien, puisque vous en avez fait la biographie, Sandrine Cotte, c'est Bismarck, qui est intéressant de voir ce moment de prépondérance de l'Allemagne dans l'Europe de la seconde moitié du 19e siècle. Quelle a été sa politique à l'égard des réfugiés? Alors, pour comprendre la politique allemande à l'égard des migrants au XIXe siècle, il faut d'abord se souvenir que l'Allemagne, au XIXe siècle, est très largement un pays d'émigration. Et c'est une part très importante de la population allemande qui part, alors plus vers l'Est, comme on a vu au début, mais vers l'Ouest cette fois-ci, et vers les États-Unis. Pourquoi est-ce qu'ils partent si nombreux? Parce qu'il y a une croissance démographique extrêmement rapide de l'Allemagne durant tout le XIXe siècle qui s'arrête en fait à la toute fin du XXe siècle, à la différence de la France qui est en récession démographique pendant cette période. On ne trompe pas la nature jusque dans les campagnes, comme disait un fameux démographe de la fin du XVIIIe siècle. Les Allemands sont moins habiles à ne pas avoir d'enfants, c'est ça? Je ne sais pas s'ils sont moins habiles à ne pas avoir d'enfants ou c'est lié probablement au partage successoral des terres qui ne se fait pas de la même manière. En tout cas, ils ont beaucoup d'enfants et donc ils partent en masse. Et on peut considérer que pour la période donc de l'immigration, qui des années 1830 aux années 1890, à peu près, on a des évaluations autour de 4 millions de personnes qui sont parties aux États-Unis. Donc la tradition allemande au XIXe siècle, c'est une tradition d'émigration. Néanmoins, il y a quand même des mouvements de population sur le territoire allemand, mais qui est des mouvements de population qui sont ce qu'on appelle des migrations intérieures, des Binnenwanderungen, comme on dit en allemand, et qui sont des migrations de l'est de l'Elbe vers l'ouest, c'est-à-dire les régions qui s'industrialisent rapidement. Et ces populations en provenance de l'est peuvent être des populations qui ne sont pas germanophones, qui peuvent être des populations polonophones, puisqu'elles sont intégrées, en fait, au Reich, après le troisième partage de la Pologne. Hein, ukrainiens, des Ukrainiens aussi, ce qui n'est pas sans intérêt aujourd'hui. Oui, mais il y a des Ukrainiens, mais c'est surtout des polonophones, des gens qui parlent le polonais et qui sont donc issus de cette Pologne partagée, en quelque sorte. Plus d'un million de Polonais, nous dit-on, oui, dans la Ruhr industrielle, voilà, pendant exactement ces années-là. C'est ça, dont certains vont ensuite émigrer en France, d'ailleurs, pendant la période de l'entre-deux-guerres. Donc, on a beaucoup de nos Polonais français du nord de la France sont en fait des Polonais qui ont transité par l'Allemagne et qui ont été attirés par la République française après la Première Guerre mondiale et d'ailleurs qui ont été généralement déçus par leurs conditions de travail quand ils sont arrivés dans les mines françaises par rapport à ce qu'ils avaient connu dans les mines de la Ruhr. Il y a une autre donnée pour ce 19e siècle, c'est que l'immigration à caractère politique, qui ne sont peut-être pas, qui concernent pas les très grands noms, mais qui sont importantes en termes intellectuels, spirituels et politiques, ces migrations vont plutôt vers la France et la Grande-Bretagne, plutôt que vers l'Allemagne. Absolument, oui, oui. Bon, bah, évidemment, des très connus comme Marx, par exemple. Karl Marx, bah, c'est... Ou Herzen, le russe. Ou d'autres. Il y a évidemment des figures intellectuelles extrêmement importantes qui sont liées au fait que... On a la Confédération germanique qui se met en place à partir de 1815, est un ensemble politique assez répressif, et enfin même très répressif. Heine est un autre nom symbolique. Voilà, et donc on a là des intellectuels qui, à la différence des autres pays de l'Europe occidentale à l'époque, qui accueillent en fait des exilés politiques, l'Allemagne n'accueille pas d'exilés politiques du tout. Enfin, la Confédération germanique, puis l'Allemagne à partir de 1871, n'accueille pas d'exilés politiques. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Venons-en, si vous le voulez bien maintenant, Sandrine Cosse, venons-en aux effets en vérité bouleversants de la Première Guerre mondiale, puisque à ce moment-là, les redistributions au moment du traité de Versailles et les autres traités qui suivent la victoire des démocraties, enfin de la Grande-Bretagne et de la France et des États-Unis, ces redistributions de population sont d'une ampleur qu'on n'a jamais connue. En particulier parce que beaucoup d'Allemands qui vivaient dans des territoires qui sont devenus autonomes au nom de la politique d'autodétermination de Clemenceau, de Wilson et des autres, ceux-là se trouvent tout à coup hors de l'Allemagne avec une situation inattendue, inédite et pour beaucoup douloureuse. Encore qu'elle soit ambivalente peut-être puisqu'elle permettra aussi d'appuyer les prétentions du nazisme de Hitler. Il faudrait que vous nous expliquiez cela. Oui, alors c'est une situation très compliquée puisque on l'a vu... Vous allez l'éclairer. On a des populations d'origine, enfin des populations germanophones qui sont installées dans ces territoires de l'Est de l'Europe depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, auxquelles vont s'ajouter... Après la Première Guerre mondiale, des Allemands, des gens qui avaient la citoyenneté allemande et qui se trouvent sur des territoires qui ne sont plus allemands après la redéfinition des frontières à l'issue des traités de la fin de la Première Guerre mondiale. On nous dit qu'il y aurait 6 millions environ d'Allemands qui se trouveraient dans cette situation tout à fait inattendue pour eux, oui, et douloureuse. Oui, c'est une situation qui est particulièrement difficile pour ces populations allemandes parce que beaucoup restent sur ces territoires, mais ils vont être victimes en fait, surtout à partir des années 30, de politique dans la plupart de ces États, en particulier pour la Pologne, de répression des minorités nationales, qui est d'ailleurs une politique répressive qui n'est pas dirigée exclusivement contre les Allemands, qui est dirigée contre toutes les minorités nationales, enfin ce qu'on appelle des minorités nationales à l'époque, puisque par exemple sur le territoire de la Pologne, il y a 60% de polonophones d'origine, les autres 40% sont des gens qui sont soit des Ukrainiens, soit des Allemands, ce qu'on appelle des Allemands, soit des Juifs, qui sont considérés comme une minorité nationale également. Et toutes ces minorités nationales vont être victimes donc de politiques répressives qui visent à poloniser en quelque sorte la Pologne, mais on pourrait dire la même chose pour les autres pays. Contrairement à ce qui se passera après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des Allemands devenus des minorités nationales sont restés, oui, sur place dans l'entre-deux-guerres, avec d'ailleurs un double effet, c'est-à-dire un sentiment de minorité plus ou moins opprimée. Absolument. Et d'autre part, offrant prétexte à Hitler. Par exemple, c'est le cas tellement célèbre des Allemands, des Sudètes, au moment de la conférence de Munich. Peut-être pouvez-vous rappeler ce qui s'est passé? Oui, alors effectivement, la radicalisation de ces minorités allemandes s'explique aussi en partie par précisément l'oppression dont elles ont été victimes et qui s'est encore aggravée au moment de la crise économique à partir des années 30. Donc il y a effectivement une radicalisation très claire de ces populations sur lesquelles ont travaillé les nazis qui ont implanté au sein de ces minorités allemandes des groupes du parti nazi et ils ont recruté donc effectivement de manière très rapide parmi ces populations qui étaient appauvries et qui avaient le sentiment d'être opprimées. Donc un certain nombre de membres, même un nombre important de membres, en particulier pour les Sudètes, c'est-à-dire ces populations qui étaient sur le territoire de la Tchécoslovaquie mais qui parlaient l'allemand, qui étaient sur les bordures donc occidentales du territoire de la Tchécoslovaquie, on a des populations qui se sont radicalisées avec des taux de vote pour Hitler dans les dernières élections qui atteignaient plus que 70%. C'est ce qui a justifié ensuite le fait qu'elles aient été expulsées, puisqu'on a considéré qu'elles constituaient une cinquième colonne, en fait, qui avait favorisé le nazisme. C'est l'enjeu de la conférence de Munich de septembre 1938, voilà. Où les Français et les Anglais cèdent devant l'exigence de Hitler d'entrer en Tchécoslovaquie pour pouvoir récupérer les Allemands des Sudètes. Il faut être très très prudent avec toute cette histoire parce qu'en fait, on a une utilisation de ces minorités dans un sens comme dans l'autre. Il y a une utilisation par les États-nations des minorités implantées sur les territoires de l'Est. Et ces nations, et en particulier bien sûr les nazis, vont utiliser ces minorités, parfois avec un assentiment de ces minorités, mais parfois aussi contre leur gré, puisqu'il y a une imputation d'identité qui est très très forte. Ils deviennent allemands, même si au fond ils le veulent pas. Qu'est-ce qu'on fait alors des juifs qui parlaient l'allemand, par exemple, en Tchécoslovaquie? Qu'est-ce qu'on fait des sociaux-démocrates qui parlaient l'allemand en Tchécoslovaquie? Ceux-là même sont considérés comme allemands et sont considérés en fait comme des soutiens au nazisme, alors que ce n'était pas le cas. Et tout le monde a été mis dans le même panier parce que la seule identité qui a été retenue, c'est une identité ethnique, c'est-à-dire l'identité allemande. Venons-en, si vous voulez bien, à la période de la guerre à proprement parler. À la question de l'emploi des travailleurs forcés étrangers sous le nazisme. Là, c'est une importation de main-d'œuvre dont il faut rappeler les couleurs, souvent sinistres. C'est une chose qu'on a tendance à oublier, mais dans ce régime, il y a un paradoxe très très fort dans le nazisme, parce qu'il y a tout à la fois donc la proclamation de la pureté raciale de l'Allemagne et en même temps l'importation sur le territoire de l'Allemagne de millions de travailleurs étrangers qui sont répartis sur l'ensemble de ce territoire. On pense que environ il y a 8,5 millions de personnes qui ont transité sur le territoire de l'Allemagne et en 1944, il y avait plus de 6 millions de travailleurs étrangers sur le territoire de l'Allemagne, ce qui montre bien qu'évidemment les Allemands ne pouvaient absolument pas savaient ce qui se passait, puisque ces travailleurs étrangers étaient évidemment pas tous traités de la même manière, avec une hiérarchie des races tout à fait scientifique, d'une minutie absolument incroyable. Suivant l'origine ethnique du travailleur, chacun ne disposait pas du même nombre de mètres carrés, par exemple, pour dormir. Et dans les baraquements qui avaient été construits à la hâte partout en Allemagne, absolument partout. Il y a encore certains de ces baraquements, donc ça reste en place à Berlin. Il y a même, ça donne lieu à un musée en quelque sorte. Témoignage. Et on a des traces de l'existence de ces travailleurs. Donc ils ont été traités souvent très mal, parfois mieux quand ils étaient danois par exemple, extrêmement mal quand c'était des soviétiques ou des polonais. De manière moyenne quand il s'agissait de français, qui constitue quand même le troisième groupe de travailleurs forcés, ne l'oublions pas. Alors on change complètement de paradigme après la Seconde Guerre mondiale et après la défaite du nazisme, mais cela ne veut pas dire que l'Allemagne n'a pas affronté à nouveau, je dirais au contraire, de très puissants flux de réfugiés, tous les Allemands qui viennent en particulier cette fois de l'Est. 12 millions d'Allemands s'enfuient ou sont expulsés des régions orientales de l'Allemagne nazie et des terres occupées par la Wehrmacht, avec une réaction... Elle est très ambivalente, l'accueil des Allemands. Et je vais commencer par une réaction très, très positive. C'est un appel en faveur des réfugiés qui a été lancé par le président du canton de Osterholz, c'est près de Brême, en 1946. Et puis vous entendrez ensuite le témoignage d'une femme qui a fui de Poméranie en 1945. Elle s'appelle Reintraut Bork. Et ce témoignage a été recueilli en 2014. Je l'extrais du documentaire qui s'appelait « L'exode des Allemands d'Europe de l'Est », un documentaire remarquable de notre chère Jeanne Guéroux, réalisé par Anne Fleury, qui a été diffusé dans la Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin sur France Culture le 4 novembre 2014. Hier spricht Landrat Biester. Ich wende mich an die Herren Gemeindevorsteher. Je m'adresse au maire des communes afin qu'ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour régler le problème des réfugiés. Veillez à ce qu'ils soient bien logés, à ce que l'espace habitable soit équitablement réparti et à ce qu'ils soient intégrés autant qu'il est possible dans le marché du travail. Les réfugiés vont rester ici. Ils vont devenir nos concitoyens. On ne doit pas les considérer comme des mendiants venus quémander chez nous. Il est de notre devoir de faire en sorte qu'ils se sentent ici chez eux, citoyens de droit. Les trains allaient vers l'ouest. C'était des trains pour des animaux. Dans chaque wagon, il y avait la place pour 40 personnes. Les autorités avaient décidé de détacher au fur et à mesure les wagons. Et notre wagon a été détaché dans la région de Basse-Saxe, à Gifhorn. Et quelques jours après, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de retour possible. Alors, comment vous êtes-vous intégré dans cette société allemande ? Nous avons eu beaucoup, beaucoup de chance parce que nous avons atterri dans un village riche de paysans allemands de la Basse-Saxe. Les fermes et les maisons étaient énormes, donc ils nous ont logés gratuitement, ils nous ont nourris gratuitement. Nous sommes arrivés uniquement avec nos vêtements, sans assiette, sans cuillère, enfin sans rien. C'était une vraie solidarité. Ils nous ont ouvert leur maison. J'avais une jolie chambre et ma mère et ma sœur avaient deux pièces également. Nous n'avons rien, pas d'argent, rien. Et ils nous ont tout donné. C'est le versant positif. Nous entendrons tout à l'heure une autre Allemande qui a des souvenirs moins positifs. Sandrine Cotte, en quoi, à votre avis, ce témoignage porte-t-il une vérité ? En quoi sonne-t-il juste ? Il faut peut-être d'abord rappeler ce qui s'est passé pour ces populations germanophones. Je ne dis jamais des Allemands parce qu'ils n'avaient pas forcément la citoyenneté allemande. Donc ces populations germanophones en provenance de l'Est, de la conférence de Yalta, les gouvernements en exil de ces pays, de l'Europe de l'Est, ont demandé aux alliés la possibilité de chasser les Allemands qui considéraient comme responsables en partie de la radicalisation nazie sur leur propre territoire. Yalta, c'est la fameuse conférence qui réunissait Staline, absolument, Roosevelt et Churchill. Voilà. Ils ont dessiné en quelque sorte la carte de l'Europe. À venir, oui. Voilà. Donc c'était un des éléments des négociations de Yalta déjà. Ensuite, au moment de la conférence de Potsdam en 45, il y a eu donc c'est un petit peu ce qu'elle décrit, ces wagons à bestiaux, etc. Il y a eu l'organisation en fait de cette expulsion de ces populations germanophones. Avec une répartition délibérée entre les différents secteurs. En fait, tous les secteurs, sauf le secteur français qui a refusé d'en accepter. Les Français ont refusé, la zone d'occupation française a refusé d'accepter les réfugiés. Tiens donc, pourquoi ? Allemands vivaient avec cette idée de la cinquième colonne nazie, donc ils n'ont pas voulu les accepter. Dans les autres secteurs, en revanche, donc on a eu ces expulsés de l'Est de l'Europe, mais qui avaient des statuts différents. Donc la personne qu'on a entendue, c'est une poméranienne, c'est-à-dire quelqu'un qui était allemande, qui avait la nationalité allemande, qui avait été victime de ces, en quelque sorte, de ces rectifications de frontières de l'après-première guerre mondiale. Elle a eu de la chance. D'abord, elle a été expulsée de manière relative relativement correcte puisqu'elle a été mise dans un wagon qui effectivement la conduisait vers l'Allemagne occidentale. Et là, elle a eu la chance d'arriver dans une ferme où les gens étaient généralement mieux traités à la campagne que ça n'a été le cas à la ville. Donc on a une situation positive, une expérience positive de ces migrations. C'est pas le cas de toutes les personnes qui ont été expulsées des territoires de l'Est. En effet, voici un contraste vif, un contraste violent, le témoignage d'une réfugiée de Silésie qui, elle, est d'origine lettonne, elle n'est donc pas germanophone à l'origine, qui arrive en Allemagne en 1945 et qui n'est pas bien accueillie. Elle s'appelle Birgit Gödgens et ce témoignage est extrait à nouveau du documentaire dont je parlais tout à l'heure. So sind wir dann in die Nähe von Hannover gekommen. Nous sommes arrivés près de Hanovre. Je suis entrée dans une école allemande. Et c'est là que mon enfance a vraiment commencé. Birgit Gödgens. C'est aussi l'époque où la différence est vraiment devenue évidente. Je me sentais une fillette allemande, mais je n'étais pas acceptée comme telle. Et c'était évidemment très très difficile à comprendre pour moi, parce que je ne savais pas encore à l'époque que les gens venus de l'Est étaient considérés comme des sous-hommes. C'était des Russes, des gens sans culture, qui venaient ici pour voler notre espace vital. Toute cette idéologie nazie était encore bien présente chez les Allemands. Ils n'en parlaient pas, bien sûr, mais c'était ainsi. Quant à moi, j'étais une enfant très bien élevée, très polie. C'était ma tactique pour m'en sortir. Et ça a marché. J'ai trouvé des copines. Pour moi, l'époque lettonne était révolue. Et je n'ai plus jamais parlé letton. Cette réfugiée est d'ailleurs à moitié lettonne et à moitié allemande. Son père est letton, sa mère est allemande. Ce témoignage est vraiment très très intéressant parce qu'il nous dit beaucoup de choses en réalité. D'une part, c'est probablement quelqu'un qui appartient à ce qu'on appelle les Volksdeutsch, les Allemands ethniques en quelque sorte, qui vivait donc sur le territoire de la Lettonie et qui, au moment de l'entrée des troupes de la Wehrmacht à l'est de l'Europe, ont été déportés, souvent contre leur gré d'ailleurs, pour germaniser les territoires conquis par l'armée allemande. On a là une germanisation forcée par ces populations. C'est la raison pour laquelle probablement elles se retrouvent sur le territoire de la Silésie. De manière intéressante, ça vient nuancer le propos de tout à l'heure, ces minorités donc germanophones n'ont pas été très bien traitées non plus par le nazisme parce qu'elles ont été en quelque sorte déportées. On leur avait promis une installation grandiose sur ces territoires un petit peu plus à l'ouest et souvent cette installation s'est révélée assez désastreuse et de toute façon elles ont été déracinées. Et en plus, en but ensuite, bien sûr, à l'hostilité des populations alentour. Donc ce sont des malheureux qui ont, d'étape en étape, de moment en moment, souffert absolument de diverses oppressions. C'est la construction des minorités nationales comme appartenant à un État-nation qui, évidemment, fait souffrir ces populations qui n'avaient rien demandé, en quelque sorte. Alors, l'expérience négative de cette personne s'enracine déjà dans une histoire plus longue de la migration, qui est que, déjà, en Silésie, elle est déjà déracinée. Et en plus, chose particulièrement intéressante. Il y a des études assez précises, récentes sur ce sujet. Dans la hiérarchie ethnique des fonctionnaires nazis sur place, dans les différents Gaos, ils avaient beaucoup de mal, en fait, à identifier ces populations Volksdeutsch, donc ethniquement allemandes, comme des vrais Allemands. Et elle le dit d'ailleurs très bien dans son témoignage, mais c'était déjà le cas sous le nazisme. C'est-à-dire que, au fond, d'une certaine manière, les Polonais qui habitaient sur place, pour eux, étaient, parce qu'ils parlaient mieux l'allemand souvent, étaient plus allemands que ces populations ethniquement allemandes. Donc elle souffre déjà sur le territoire de la Silésie d'une forme en fait d'infériorité raciale, et ils sont tout le temps obligés de prouver qu'ils sont véritablement des Allemands. Chose qu'elle va être de nouveau obligée de prouver quand elle arrive donc sur les territoires de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, à l'issue donc de cette deuxième déportation en quelque sorte, de cette expulsion donc du territoire de la Silésie. Pour les Allemands, elle est une Lettonne en fait, c'est-à-dire elle est une soviétique. Puisque c'est après la Lettonie rentre sur le territoire de l'Union soviétique, elle est vue comme quelqu'un qui est de l'Est et avec évidemment toute la connotation extrêmement négative qui avait été construite sous la période du nazisme, mais qui était déjà antérieure, de ce qui est associé au terme slave pour les Allemands à cette période. Donc là, on a quelque chose qui est très spécifique de la hiérarchie des races nazies, dans laquelle, bon, les Slaves sont presque les derniers, donc avant les Juifs. Même si sa mère est allemande. Il y a une ambiguïté, en fait, là-dessus, parce que effectivement, elle est ethniquement allemande, c'est-à-dire qu'elle vient, elle descend de ces familles qui se sont implantées sur ces territoires depuis extrêmement longtemps. Et elle apparaît comme quelqu'un qui vient de l'Est, avec probablement une manière de parler l'allemand qui est différente, probablement des coutumes qui sont différentes. Moi, je connais personnellement des gens, dont certains d'ailleurs historiens connus, qui sont des réfugiés des Sudètes, et qui disaient aussi que pour eux, l'arrivée en Allemagne a été particulièrement difficile, parce qu'ils avaient une autre manière de parler l'allemand, qu'ils avaient une autre manière de s'habiller, une autre manière d'autres habitudes, et que donc ils se considéraient véritablement comme étrangers, et ils étaient perçus comme des étrangers. Controverse intéressante, cette fondation Flucht, Vertreibung, Versöhnung, vous allez nous traduire. Il y a eu un grand débat pour savoir si il convenait ou non de mettre l'accent de manière contemporaine sur les souffrances de tous ces Allemands déportés, presque à la même hauteur que celle des victimes du nazisme. Est-ce que cette bataille mémorielle vous paraît éclairante ? C'est une bataille mémorielle qui est effectivement extrêmement importante dans le débat allemand. Rappelez-nous ce qui s'est passé. Donc, fuite, expulsion, réconciliation, hein, c'est ça les trois mots que vous avez cités en allemand. J'attendais la traduction. Voilà. On est là dans une espèce de concurrence victimaire qui est extrêmement compliqué et difficile. En fait, le Bund der Vertriebenen, c'est-à-dire l'association des expulsés, qui regroupe les expulsés de l'après-Seconde Guerre mondiale, ceux dont on vient de parler, demande en quelque sorte une reconnaissance qui serait peut-être pas allégale quand même, qui serait comparable à certains égards aux souffrances des gens qui ont été directement victimes du nazisme. Donc éventuellement un monument qui fasse en quelque sorte symétrie, qui soit le pendant du célèbre mémorial de l'Holocauste à Berlin. C'est absolument ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent. On comprend qu'il y a eu des réactions. Oui, là aussi, il faut garder, évidemment, l'histoire explique tout, hein, comme d'habitude. Donc, oui, ma chère collègue. Donc, il faut garder une certaine mesure, un certain équilibre. Le mémorial qui est vraiment au centre de Berlin, près de la porte de Brandebourg, mémorial aux Juifs européens assassinés, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, placé dans un espace particulièrement symbolique, puisque c'est juste au centre de Berlin. Les expulsés aimeraient aussi avoir une place importante. Ils ont un argumentaire qui est un argumentaire qui reprend en quelque sorte ce qui a été fait pour le mémorial des juifs européens, puisqu'ils disent qu'ils veulent faire un mémorial aux expulsés européens. C'est-à-dire, ils veulent désingulariser leur expérience, en quelque sorte. Et en la désingularisant, la distinguer précisément de la question spécifique du nazisme et de leur implication éventuelle, puisque c'est comme ça qu'ils ont été vus, de leur implication éventuelle comme soutien du nazisme. Alors, on a vu que, vous voyez, tout ça est très ambigu, parce que, de fait, il y a une partie de ces populations qui ont soutenu le nazisme. Par ailleurs, c'est pas pour autant qu'ils ont été bien traités par les nazis. On l'a vu aussi. En même temps, il s'agit en général de populations qui sont plutôt à droite de l'échiquier politique et qui sont plutôt des nationalistes allemands, plutôt à droite de l'échiquier politique. Donc vous voyez, on a là un mélange extrêmement complexe et c'est pour ça qu'il faut user de grand discernement quand on parle de cette question. Ces expulsés de l'Est, en fin de compte, se sont-ils bien intégrés ? Il y a eu le grand essor économique, évidemment, des années 50, qui a favorisé cette implication des nouveaux venus, qui a aidé à leur intégration. Et il y a probablement des différences entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique d'Allemagne, la RDA, qui s'est comportée de manière très différente à l'égard des réfugiés, d'autant plus qu'elle considérait qu'elle n'avait pas de responsabilité. Elle n'était pas l'héritière du nazisme. Dans les deux Allemagnes, en réalité, l'intégration de ces réfugiés s'est faite assez facilement. Pour la partie ouest de l'Allemagne, c'est la période du miracle économique. Donc, non seulement ils absorbent assez rapidement la main-d'œuvre que représentent ces réfugiés, qui eux sont tout à fait prêts à se mettre au travail assez rapidement, mais non seulement, et ça ne leur suffit même pas, puisqu'ils sont obligés assez rapidement de faire venir des populations du sud de l'Europe, premier accord avec le gouvernement italien en 1955, etc., etc. Un peu ce qui s'est passé pour les Européens d'Algérie dans les années 60, où on était en pleine période, enfin, au cœur des Trente Glorieuses. Donc il y a une intégration par le travail qui se fait relativement vite et une absorption donc de ce surplus de population qui est quand même un surplus énorme. N'oublions pas quand même qu'il y a eu aussi un taux de mortalité du fait de la guerre en Allemagne, du fait de la Seconde Guerre mondiale, qui est aussi énorme. Hein. Donc c'est un afflux de population qui est un afflux tout à fait bienvenu. À l'est de l'Allemagne, en République démocratique allemande, aussi ces réfugiés, d'une certaine manière, ces expulsés de l'Europe de l'Est ont trouvé leur place parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été fixés sur les terres comme nouveaux paysans, Neubauern, liés à l'issue de l'expulsion en fait des grands propriétaires terriens qui existaient encore et de la redistribution des terres. Au fond, ils ont constitué une population qui a pu servir à un certain moment les objectifs du régime qui consistait à diviser les terres, à les mettre en coopérative et à créer ensuite des fermes d'État. Ces populations, parce qu'elles avaient été déplacées, parce qu'elles avaient tout perdu, étaient relativement prêtes à entrer dans ce type de processus. En conséquence de quoi, on peut dire qu'elles aussi ont été assez facilement intégrées à la République démocratique allemande. L'intégration s'est faite relativement facilement, en fait. Et quand on considère les chiffres dont il s'agissait, 12 millions de réfugiés allemands, on est saisi par cette intégration. On est saisi, oui. On est tout à fait saisi, mais on reste saisi jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que pour les historiens encore, la compréhension de cette intégration reste en quelque sorte l'objet de recherche. Cela pèse, vous pensez, dans cette sorte d'optimisme qui frappe du côté de l'Allemagne, pas tout le monde, puisqu'on voit ressurgir des marges très, très hostiles et très nationalistes, mais pour l'essentiel, cette idée que l'on va pouvoir en Allemagne accueillir tous ces Syriens en particulier, tous ces réfugiés venus du Proche et du Moyen-Orient. Moi, personnellement, j'ai tendance à penser qu'il y a un savoir-faire dans la gestion des camps de réfugiés, dans l'intégration, dans le placement des personnes dans les familles, etc., qui s'est transmis. Enfin, on voit très bien comment c'est actuellement l'accueil des réfugiés syriens. C'est absolument incroyable. Dans toutes les villes, dans tous les villages, il y a des appartements qui sont mis à la disposition de ces populations, etc. Il y a là, à mon avis, un savoir-faire qui s'est transmis, qui peut expliquer la façon dont l'accueil de ces réfugiés se fait. Oui, je pense que là, il y a une continuité historique qui existe. Et qu'est-ce qu'il reste d'une certaine culpabilité héritée de la Seconde Guerre mondiale ? Elle est surmontée ou bien elle demeure en profondeur ? Là, c'est une discussion que j'ai souvent avec mes amis allemands. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la volonté de montrer que, eh bien, voilà, nous les Allemands, cette fois-ci, on fait bien ? On est du bon côté du rapport à l'étranger, après avoir été du mauvais côté avec effectivement tous ces travailleurs forcés qui étaient sur le territoire de l'Allemagne et qui ont été particulièrement maltraités pendant la Seconde Guerre mondiale. On est maintenant du bon côté. Moi, je pense, et certains de mes amis aussi, allemands le pensent, que c'est un élément d'explication. Mais ça n'est pas le seul, évidemment. Il y en a plein d'autres. Il y a des éléments économiques. N'oublions pas que l'Allemagne a une croissance démographique négative depuis de nombreuses années, qu'il y a un problème criant de main-d'œuvre et surtout qu'il va y avoir un problème de main-d'œuvre. C'est la raison pour laquelle il faut former justement ces populations et que donc les acteurs économiques allemands sont vraiment à la demande d'un afflux de main-d'œuvre. Pourtant, il y avait eu déjà un coup d'arrêt dans les années 70 au moment où l'essor économique avait paru se ralentir après le premier choc pétrolier en particulier. Absolument. Donc là, on est dans l'évolution européenne traditionnelle, avec dans les années 50 et 60, donc la politique de ce qu'on appelle le Gastarbeiter, c'est-à-dire l'accueil Gast en termes d'hôtes, soi-disant, des ouvriers que l'on attire par le biais d'accords avec des gouvernements, donc gouvernement italien, gouvernement grec, gouvernement turc, gouvernement marocain. D'où les Marocains à Cologne en particulier. Hein. Il y a un accord depuis les années 60 avec le gouvernement marocain. Vous parlez de cet épisode dramatique de toutes ces femmes qui ont été agressées par des travailleurs immigrés, mais qui n'étaient pas des Syriens, semble-t-il. Qui n'étaient pas des Syriens. Et on a effectivement une immigration marocaine relativement ancienne. Là, on est donc dans le schéma traditionnel de l'Europe occidentale. On a la même chose pour la France, avec donc, ou pour la Suisse, avec l'arrivée donc massive de travailleurs, donc essentiellement des travailleurs, dans les années 50 et 60. Puis le stop des années 70 avec la crise économique. Si on considère les deux cas de la République fédérale d'Allemagne et de la RDA, il y a une opposition aussi marquée en ce qui concerne l'accueil des travailleurs étrangers. Cette RDA où la chancelière Angela Merkel a vécu jusqu'à 35 ans. On a évidemment une situation très différente en RDA. D'abord parce qu'il y avait beaucoup moins de travailleurs immigrés. Donc on a vu qu'on a des millions de travailleurs immigrés qui arrivent sur le territoire de la RFA dans les années 50 et 60. L'économie avait une vitalité à l'ouest, évidemment. Voilà, il y a à peu près 4 millions d'étrangers, de travailleurs immigrés donc au début des années 70 sur le territoire de la RFA. On est à quelques centaines de milliers sur le territoire de la RDA, avec aussi une population beaucoup plus réduite, puisqu'il y a 16 millions d'habitants en République démocratique allemande. Plutôt maltraités ? Traités de manière tout à fait différente, en tout cas, ça c'est sûr, puisqu'ils arrivent par le biais d'accords intergouvernementaux. Les trois pays importants, c'est d'abord essentiellement le Vietnam, le deuxième pays, le Mozambique, et le troisième, Cuba. Et ces immigrés qui arrivent ne sont pas considérés comme des gens à intégrer à la population allemande. Ils sont parqués en fait dans des zones réservées aux immigrés. C'est maltraité, non, ça ? Si vous voulez, maltraités. En tout cas, ils sont pas du tout intégrés. Ils sont très surveillés par la police politique, y compris dans les usines. Il y a des travaux qui ont été faits là-dessus, on le voit bien. Et donc, ça alimente probablement, effectivement, une forme de xénophobie dans la population de l'Est de l'Allemagne. Les Turcs, naturellement, vous l'évoquez en passant, un rôle absolument fondamental. Je vais vous faire entendre le témoignage d'un travailleur turc sur ses compatriotes qui ont émigré en Allemagne et qui sont éventuellement retourné en Turquie. C'est un extrait de Pot-au-feu, l'émission de Jean Lebrun sur France Culture, le 7 décembre 2000. In Germany, they are not better. The new generation is very good. Alors, en Allemagne, la nouvelle génération turque est une nouvelle génération dynamique et tout, mais l'ancienne génération, ceux qui ont émigré là il y a 30 ans, 20 ans, était une vieille génération, une génération qui venait surtout des campagnes. C'est pour ça qu'ils nous ont donné une aussi mauvaise image des Turcs en Allemagne et en Europe. C'est que c'était des gens qui n'étaient pas du tout habitués, ni des grandes villes, qui connaissaient vraiment rien aux usages de grandes villes, c'était vraiment des paysans, en quelque sorte des gens de seconde classe, on pourrait dire. Alors, je vais vous raconter une histoire. Un jour, dans ma demeure d'été, j'ai vu un Turc qui revenait d'Allemagne et il portait sur le porte-bagages de son auto une baignoire. Je lui ai demandé, mais enfin, pourquoi tu ramènes une baignoire? Il a dit, mais il n'y a pas de baignoire en Turquie, j'en ramène une d'Allemagne. C'est pour vous dire comment ces gens-là, donc ces émigrés turcs qui sont allés dans les années 60 en Allemagne, venaient véritablement directement de leur campagne. Et maintenant, ça a changé. La jeune génération, la deuxième et troisième génération, participent à toute la vie politique, économique de l'Allemagne. Et par là même, ils ne sont plus vraiment turcs, ils sont quasiment vraiment allemands. Est-ce que vous ratifiez, Sandrine Cotte, l'idée de cet interlocuteur selon laquelle la deuxième génération des Turcs s'intègre bien à la société allemande? C'est important par rapport à la perspective de ceux des Syriens qui ne retourneront pas dans leur pays. Ça me semble être effectivement une analyse très juste, mais il faut comprendre les raisons de cette intégration. Lui, il le voit évidemment de son point de vue. On a des paysans analphabètes qui peuvent pas s'intégrer, et puis ensuite des gens... En réalité, il y a bien sûr aussi des raisons structurelles pour expliquer ça. La première vague d'immigration, donc le premier accord avec la Turquie, c'est 1961. La première vague d'immigration, c'était bien des immigrants qui avaient pour fonction essentiellement de travailler dans les usines allemandes et qui devaient venir pour des périodes période relativement limitée et sans leur famille. Donc, on avait une espèce de main-d'œuvre exploitable et le souci n'était pas du tout de les intégrer à l'époque. Le souci était de les faire travailler. Donc, forcément, ils ne s'intégraient pas. Et d'ailleurs, on ne leur donnait pas la nationalité allemande non plus. Comme pour la France, le cas des Maghrébins. Absolument, ou comme pour la Suisse, c'est la politique européenne de l'époque. Donc, il faut mettre ça un petit peu en contexte. À partir de 1973, le regroupement familial est devenu possible, d'une part, et surtout, à partir de 1993, ces Turcs, installés sur le territoire de l'Allemagne, ont pu obtenir la nationalité allemande, ce qui était impossible auparavant. Et en conséquence de quoi, bien sûr, l'intégration a été rendue possible par l'ensemble de ces dispositions qui ne sont pas simplement dues à la bonne volonté des gens, mais qui sont dues aussi aux dispositifs qui sont mis en place pour permettre leur intégration. Ce qui conduit à la grande question qui a concerné l'Allemagne, comme la France à certains moments, du droit du sol et du droit du sang. Chez nous, le droit du sol domine, comme nous savons. Il y a eu en Allemagne plus d'hésitation, à la fois, dans l'opinion et dans la législation. Le droit du sol a été introduit à partir de 1993, justement. Auparavant, le code de nationalité allemande, depuis la fin du 19e siècle, c'était exclusivement le droit du sang. C'est pourquoi les Turcs qui vivaient même depuis parfois deux générations sur le territoire de l'Allemagne ne pouvaient pas devenir allemands. Ce qui était un petit peu étrange, puisqu'on avait par ailleurs ces rapatriés d'Europe centrale ou même de la Volga, de la Russie, enfin du territoire de l'ancienne Union soviétique, qui, eux, obtenaient la nationalité allemande comme ça, parce qu'ils étaient considérés comme ethniquement allemands. Droit du sang. Voilà, droit du sang, exactement. Bon, ceci a été corrigé par la législation allemande à partir de 1993, et puis ensuite de nouveau en 2000. Et maintenant, on a la législation française et la législation allemande qui sont extrêmement proches l'une de l'autre en matière donc d'attribution de la nationalité. Et c'est ça qui est bien sûr un facteur important d'intégration des populations turques, dont je rappelle quand même que c'est le quart à peu près des populations immigrées actuellement sur le territoire de l'Allemagne, en tout cas jusqu'en 2010. Je vois qu'à Stuttgart, par exemple, ou dans telle autre grande ville, les mineurs de 18 ans sont plus nombreux à être enfants d'immigrés ou immigrés eux-mêmes que les autres. Oui, en gros, si vous voulez, d'après une enquête qui avait été faite en 2008, il y avait à peu près 20% de la population allemande, un peu moins, autour de 19, qui soit était directement première génération d'immigrés, soit deuxième génération d'immigrés. Et sur ces 20%, il y avait donc un quart de Turcs, donc un groupe important. Pour finir, ce qui vous frappe, c'est plutôt la ressemblance entre la période contemporaine, l'afflux de ces immigrés, notamment syriens, des réfugiés syriens, et les périodes antérieures, ou au contraire, ressemblance ou différence, Sandrine Cotte? Si vous le permettez, je ne vais pas répondre directement à cette question. Moi, ce qui me frappe, c'est plutôt les savoir-faire acquis par les Allemands, par les autorités allemandes dans la gestion des populations migrantes. Un savoir-faire qui a été acquis, en fait, depuis la fin du 19e siècle et qui permet, d'une certaine manière, de gérer là des afflux de populations extrêmement importantes. Un savoir-faire qui n'existe pas dans d'autres pays et par exemple pas en France, parce qu'on n'a pas été confronté à de telles vagues d'immigration depuis si longtemps. Sandrine Cotte, merci. Vous avez publié un ouvrage qui s'appelle « L'Allemagne au XIXe siècle », publié dans la collection Carré Histoire chez Hachette. Un autre qui s'intitule « L'histoire de la société allemande au XXe siècle » à propos de la République démocratique d'Allemagne, la découverte en 2011. Et puis je voudrais signaler à nos auditeurs que vous avez, avec Dorothea Oetker, vous avez édité les récits de voyage d'Albert Thomas entre 1920 et 1932 sous le titre « À la rencontre de l'Europe au travail ». C'est une publication de la Sorbonne et du Bureau international du travail. Il a été en effet le premier prestigieux directeur du BIT après la Première Guerre mondiale. Il avait été antérieurement un des tout premiers socialistes à participer au gouvernement entre 1914 et 1916 ou 17. Albert Thomas, vous l'aimez beaucoup? Ah, oh, c'est un personnage extraordinaire. C'est lui qui a fait vivre l'Organisation internationale du travail. Ses récits de voyage en Europe, puisque les récits de voyage en Asie avaient déjà été publiés il y a très longtemps, ça montre une vision de l'Europe qui est particulièrement intéressante, me semble-t-il, surtout dans une période où on s'interroge justement sur les questions d'identité européenne. Je trouve que ça vaut vraiment la peine de lire ces récits de voyage d'Albert Thomas, qui en plus nous présente une Europe inhabituelle, puisqu'il va à la rencontre des responsables syndicaux, des responsables politiques, des dirigeants de coopératives, etc. Donc une Europe du travail, très vivante, très bien écrite. Albert Thomas est un magnifique conteur. Je rappelle à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices qu'ils peuvent trouver une bibliographie complète sur notre site avec les références des documents sonores, des archives que nous avons utilisées et naturellement écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, nous serons au lendemain du référendum britannique sur le Brexit. Et je voudrais éclairer cela en réfléchissant à ce que signifie plébiscite et référendum. Faut-il les vouloir ou ne faut-il pas? Et j'inviterai excellent historien de la vie politique française que Serge Bernstein. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, une émission préparée par Nathalie Lempereur avec aussi Jeanne Guéroux, très compétente sur les affaires allemandes, une émission réalisée par Patrick Molinier, avec à la prise de son Pierrick Monsigny, Nathalie Rouvillain à la discothèque et pour les archives de l'INA, Aude Vassan et Marine Decaens. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine O'Krent pour son émission Affaires étrangères.